Thank you.

Five men a cure for everyone. Thank you. Kant. C'est toi Hugo Kant, hein, dis-le. Thank you. We'll be right back. on parlait justement de toi, Cyril. Thank you. Mais comme ils étaient là tous les deux, justement, c'est ce que j'ai à dire. Et moi, j'ai même dit que t'étais, qu'il manquait plus que toi. Je te jure. Côté, il voulait bien jouer avec nous. Hear your mic in HRS. trop sur la. On n'en a pas trop là. Attention. Franchement, c'est des chiens.